Chapitre 2. Nous fîmes connaissance assez singulièrement. Je venais d'achever une étude qui me paraissait crâne et qui l'était. Elle fut vendue 10 000 francs 15 ans plus tard. C'était plus simple d'ailleurs que 2 et 2 font 4 et en dehors des règles académiques. Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à verrue, couverte de varech brun, jaune et rouge, sur qui le soleil coulait comme de l'huile. La lumière, sans qu'on vît l'astre caché derrière moi, tombait sur la pierre et la dorait de feu. C'était ça, un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe. À gauche, la mer, pas la mer bleue, la mer d'ardoise, mais la mer de jade, verdâtre, laiteuse et dure aussi sous le ciel foncé. J'étais tellement content de mon travail que je dansais en le rapportant à l'auberge. J'aurais voulu que le monde entier le vit tout de suite. Je me rappelle que je lui montrai une bâche au bord du sentier en lui criant « Regarde ça, ma vieille, tu n'en verras pas souvent de pareil. » En arrivant devant la maison, j'appelai aussitôt la mère le cacheur en braillant à tue-tête. « Ohé, ohé, la patronne, amenez-vous et pigez-moi ça !» La paysanne arriva et considéra mon œuvre de son œil stupide qui ne distinguait rien, qui ne voyait même pas si cela représentait un bœuf ou une maison. Miss Harriet rentrait, et elle passait derrière moi juste au moment où, tenant ma toile à bout de bras, je la montrais à l'aubergiste. La démoniaque ne put pas ne pas la voir, car j'avais soin de présenter la chose de telle sorte qu'elle n'échappa point à son œil. Elle s'arrêta net, saisie, stupéfaite. C'était sa roche, paraît-il, celle où elle grimpait pour rêver à son aise. Elle murmura un « Oh !» britannique, si accentué et si flatteur, que je me tournai vers elle en souriant, et je lui dis « C'est ma dernière étude, mademoiselle. » Elle murmura, extasiée, comique et attendrissante « Oh, monsieur, vous comprenez la nature d'une façon palpitante. » Je rougis, ma foi, plus ému par ce compliment que s'il fût venu d'une reine. J'étais séduit, conquis, vaincu. Je l'aurais embrassé, parole d'honneur. Je m'assis à table à côté d'elle, comme toujours. Pour la première fois, elle parla, continuant à haute voix sa pensée. « Oh, je aimais tant la nature !» Je lui offris du pain, de l'eau, du vin. Elle acceptait maintenant avec un petit sourire de momie, et je commençai à causer paysage. Après le repas, nous étant levés ensemble, nous nous mîmes à marcher à travers la cour. Puis, attiré sans doute par l'incendie formidable que le soleil couchant allumait sur la mer, j'ouvris la barrière qui donnait vers la falaise et nous voilà partis, côte à côte, comptant comme deux personnes qui viennent de se comprendre et de se pénétrer. C'était un soir tiède, amolli, un de ces soirs de bien-être où la chair et l'esprit sont heureux. Tout est jouissance et tout est charme. L'air tiède, embaumé, plein de senteurs d'herbes et de senteurs d'algues, caresse l'odorat de son parfum sauvage, caresse le palais de sa saveur marine, caresse l'esprit de sa douceur pénétrante. Nous allions maintenant au bord de l'abîme, au-dessus de la vaste mer qui roulait, à 100 mètres sous nous, ses petits flots. Nous buvions, la bouche ouverte et la poitrine dilatée, ce souffle frais qui avait passé l'océan et qui nous glissait sur la peau, lent et salé par le long baiser des vagues. Serré dans son châle à carreaux, l'air inspiré, les dents au vent, l'Anglaise regardait l'énorme soleil s'abaisser vers la mer. Devant nous, là-bas, là-bas, à la limite de la vue, un trois-mâts couvert de voiles dessinait sa silhouette sur le ciel enflammé, et un vapeur, plus proche, passait en déroulant sa fumée qui laissait derrière lui un nuage sans fin traversant tout l'horizon. Le globe rouge descendait toujours, lentement, et bientôt il toucha l'eau, juste derrière le navire immobile qui apparut, comme dans un cadre de feu, au milieu de l'astre éclatant. Il s'enfonçait peu à peu, dévoré par l'océan. On le voyait plonger, diminuer, disparaître. C'était fini. Seul le petit bâtiment montrait toujours son profil découpé sur le fond d'or du ciel lointain. Miss Harriet contemplait d'un regard passionné la fin flamboyante du jour. Elle avait certes une envie immodérée d'étreindre le ciel, la mer, tout l'horizon. Elle murmura « Oh, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé !» Je vis une larme dans son œil. Elle reprit « Je voudrais être une petite oiseau pour m'envoler dans le firmament. » Il restait debout, comme je l'avais vu souvent, piqué sur la falaise, rouge aussi dans son châle de pourpre. J'ai envie de la croquer sur mon album. On eût dit la caricature de l'extase. Je me retournais pour ne pas sourire. Puis je lui parlais peinture, comme j'aurais fait à un camarade, notant les tons, les valeurs, les vigueurs, avec des termes du métier. Elle m'écoutait attentivement, comprenant, cherchant à deviner le sens obscur des mots, à pénétrer ma pensée. De temps en temps, elle prononçait « Oh, je comprenais, c'était très palpitante. » Nous rentrâmes. Le lendemain, en m'apercevant, elle vint vivement me tendre la main, et nous fûmes amis tout de suite. C'était une brave créature qui avait une sorte d'âme à ressort, partant par bond dans l'enthousiasme. Elle manquait d'équilibre, comme toutes les femmes restées filles à 50 ans. Elle semblait confite dans une innocence surie. Mais elle avait gardé au cœur quelque chose de très jeune, d'enflammé. Elle aimait la nature et les bêtes, de l'amour exalté, fermenté comme une boisson trop vieille, de l'amour sensuel qu'elle n'avait point donné aux hommes. Il est certain que la vue d'une chienne allaitant, d'une jument courant dans un pré avec son poulain dans les jambes, d'un nid d'oiseaux plein de petits, piaillant, le bec couvert, la tête énorme, le corps tout nu, la faisait palpiter d'une émotion exagérée. Pauvres êtres solitaires, errants et tristes des tables d'hôtes, pauvres êtres ridicules et lamentables, je vous aime depuis que j'ai connu celui-là. Je m'aperçus bientôt qu'elle avait quelque chose à me dire, mais elle n'osait point, et je m'amusais de sa timidité. Quand je partais, le matin, avec ma boîte sur le dos, elle m'accompagnait jusqu'au bout du village, muette, visiblement anxieuse et cherchant ses mots pour commencer. Puis elle me quittait brusquement et s'en allait vite, de son pas sautillant. Un jour, enfin, elle prit courage. « Je voudrais vous voir comment vous faites le peinture. Voulez-vous, j'ai été très curieux. » Et elle rougissait comme si elle lui prononçait des paroles extrêmement audacieuses. Je l'emmenai au fond du petit bal, où je commençais une grande étude. Elle resta debout derrière moi, suivant tous mes gestes avec une attention concentrée. Puis soudain, craignant peut-être de me gêner, elle me dit « merci » et s'en alla. Mais en peu de temps, elle devint plus familière. Elle se mit à m'accompagner chaque jour avec un plaisir visible. Elle apportait sous son bras son pliant. Ne voulant point permettre que je le prisse, il s'asseyait à mon côté. Elle demeurait là pendant des heures, immobile et muette, suivant de l'œil le bout de mon pinceau dans tous ses mouvements. Quand j'obtenais, par une large plaque de couleur posée brusquement avec le couteau, un effet juste et inattendu, elle poussait malgré elle un petit « oh » d'étonnement, de joie et d'admiration. Elle avait un sentiment de respect attendri pour mes toiles, de respect presque religieux pour cette reproduction humaine d'une parcelle de l'œuvre divine. Mes études lui apparaissaient comme des sortes de tableaux de sainteté, et parfois elle me parlait de Dieu, essayant de me convertir. Oh, c'était un drôle de bonhomme que son bon Dieu, une sorte de philosophe de village, sans grands moyens et sans grande puissance, car elle se figurait toujours désolée des injustices commises sous ses yeux, comme s'il n'avait pas pu les empêcher. Elle était d'ailleurs en termes excellents avec lui, paraissant même confidente de ses secrets et de ses contrariétés. Elle disait « Dieu veut » ou « Dieu ne veut pas », comme un sergent qui annoncerait au conscrit que « le colonel il l'a ordonné ». Elle déplorait du fond du cœur mon ignorance des intentions célestes qu'elle s'efforçait de me révéler. Et je trouvais chaque jour dans mes poches, dans mon chapeau que je laissais par terre, dans ma boîte à couleurs, dans mes souliers cirés devant ma porte au matin, ces petites brochures de piété qu'elle recevait sans doute directement du paradis. Je la traitais comme une ancienne amie avec une franchise cordiale. Mais je m'aperçus bientôt que ses allures avaient un peu changé. Je n'y pris pas garde dans les premiers temps. Quand je travaillais, soit au fond de mon vallon, soit dans quelque chemin creux, je la voyais soudain paraître, arrivant de sa marche rapide et scandée. Elle s'asseyait brusquement, essoufflée comme si elle eût couru ou comme si quelque émotion profonde l'agitait. Elle était fort rouge, de ce rouge anglais qu'aucun autre peuple ne possède. Puis, sans raison, elle pâlissait, devenait couleur de terre et semblait près de défaillir. Peu à peu, cependant, je la voyais reprendre sa physionomie ordinaire, il se mettait à parler. Puis, tout à coup, elle laissait une phrase au milieu, se levait et se sauvait si vite et si étrangement que je cherchais si je n'avais rien fait qui pût lui déplaire ou la blesser. Enfin, je pensais que ce devait être là ses allures normales, un peu modifiées sans doute en mon honneur dans les premiers temps de notre connaissance. Quand elle rentrait à la ferme après des heures de marche sur la côte battue du vent, ses longs cheveux tordus en spirale s'étaient souvent déroulés et pendaient comme si leur ressort eût été cassé. Elle ne s'en inquiétait guère, autrefois, et s'en venait dîner sans gêne, dépeignée ainsi par sa sœur la brise. Maintenant, elle montait dans sa chambre pour ajuster ce que j'appelais ses verres de lampe, et quand je lui disais avec une galanterie familière qui la scandalisait toujours, « Vous êtes belle comme un astre aujourd'hui, Miss Harriet. » Un peu de sang lui montait aussitôt aux joues, du sang de jeune fille, du sang de 15 ans. Puis elle redevint tout à fait sauvage et cessa de venir me voir peindre. Je pensais, c'est une crise, cela se passera. Mais cela ne se passait point. Quand je lui parlais maintenant, elle me répondait, soit avec une indifférence affectée, soit avec une irritation sourde. Et elle avait des brusqueries, des impatiences, des nerfs. Je ne l'apercevais qu'au repas, et nous ne causions plus guère. Je pensais vraiment que je l'avais froissée en quelque chose, et je lui demandais un soir, « Miss Harriet, pourquoi n'êtes-vous plus avec moi comme autrefois? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous déplaire? Vous me causez beaucoup de peine. » Elle répondit avec un accent de colère tout à fait drôle, « J'étais toujours avec vous le même qu'autrefois. Ce n'était pas vrai, pas vrai. » Il courut s'enfermer dans sa chambre. Elle me regardait par moments d'une étrange façon. Je me suis dit souvent depuis ce temps que les condamnés à mort doivent regarder ainsi quand on leur annonce le dernier jour. Il y avait dans son œil une espèce de folie, une folie mystique et violente, et autre chose encore, une fièvre, un désir exaspéré, impatient et impuissant de l'irréalisé et de l'irréalisable. Il me semblait qu'il y avait aussi en elle un combat, où son cœur luttait contre une force inconnue qu'elle voulait dompter, et peut-être encore autre chose. Que sais-je ? Que sais-je ?